Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve min ittaba'a huda, thumma amma ba'd. Nous réunissons ici trois fragments extraits de ce qui était au départ, une série de mises en garde que Cheikh Ubayd al-Jabiri Hafidhullah avait d'abord entrepris à travers la web radio Salafi de Miraf al-Anbiya, site que dirige le disciple du Cheikh K. Abu Ziyad Khalid Baqis Wafaqahullah depuis Jeddah. Et après, le Cheikh décida de les publier dans le livre qu'il intitula Is'af al-Zaki bil Kashfi an Hal al-Habib al-Jifri, Secourir l'intelligent par le dévoilement du statut de Al-Habib al-Jifri. En fait, le Cheikh Hafidhullah avait choisi parmi beaucoup de paroles d'égarement de Al-Jafri cette citation qui atteste de ce qu'il est un prédicateur acharné et fervent pour le shirk, iyazan billah. Quant à nous, nous avons opté pour trois citations de Cheikh Ubayd Hafidhullah situées dans la conclusion du livre et qui montrent les résultats auxquels le Cheikh Hafidhullah était parvenu après l'étude de ce cas critique. Écoutons maintenant chacune de ces paroles du Cheikh Ubayd Hafidhullah et sa traduction. Et qu'Allah nous protège ainsi que tous les musulmans du shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. والناس أعني أهل السذاجة والغفلة والجهل يجوب الأرض فيهم مثل الجفري داعينهم إلى الضلالة بعد الهدى والكفر بعد الإسلام. Dans cette première citation, Cheikh Ubayd Hafidhullah dit: Et Al-Jafri et ses semblables parcourent la terre pour appeler les gens, je parle de ceux qui sont crédules, inattentifs et ignorants, pour les appeler à l'égarement après la bonne guidée, à Al-Kufr, la mécréance après l'islam. Fin de cette première citation. بان لكم أن الرجل مرتكس في الشرك ارتكاسا ومنغمس فيه انغماسا وليس هو على عث الله به رسوله محمد صلى الله إليكم من التوحيد والإسلام والسنة بل الرجل داعية إلى الشرك وأدركتم جلده وتفننه من خلال ما كشفناه لكم بالدليل من كذبه وتلبيسه وحيله وغشه وتدريسه. Dans cette deuxième citation, Cheikh Ubayd Hafidhullah dit: Il vous est apparu que cet homme est renversé dans le shirk, l'associationnisme. Et il y est complètement immergé. Il n'est pas sur la voie de ce qu'Allah avait fait descendre à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que vous le suiviez dans le tawhid, l'islam et la sunna. Tout au contraire, l'homme est un prédicateur au shirk. Et vous aurez constaté combien il persévère et excelle dans ce sens, d'après ce que nous avons dévoilé. Preuve à l'appui de son mensonge, son stratagème, ses ruses, sa trahison et sa confusion. Fin de cette deuxième citation. ثم أزيد فأدعو أبناءنا من المسلمين والمسلمات وإخواننا وأخواتنا إلى الحذر من هذا الرجل وهجره والبعد عنه ومفاصلته، فإن من والاه وأحبه فهو ممن يواد من حاد الله ورسوله، فإن الرجل بهذه العبارات محاد لله ورسوله، مكذب كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سالك غير سبيل المؤمنين. ثم أعمم فأدعو جميع المسلمين والمسلمات إلى هذا، حيث كانوا في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في شرق آسيا، في جميع القارات، وأن يعلموا أن صلاة الرجل باطلة ما دام على هذا، وكذلك اعلموا بطلان صلاة من صلى خلفه، سواء كانت الفروض أو الجمعة أو العيدين. فلو نصب إماما فلا تصلوا خلفه أيها المسلمون والمسلمات ما دام أنه على هذا. Dans cette troisième citation, Cheikh Ubayd Hafidhahullah dit, et puis je continue, pour appeler nos enfants parmi les musulmans et les musulmanes, ainsi que nos frères et sœurs, à prendre garde de cet homme, à le boycotter, à s'en éloigner, à se séparer de lui, car celui qui s'associe à lui et l'aime est de ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, qui démentissent le livre de leur Seigneur et la sunna de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'acheminent dans une voie différente de celle des croyants. Et puis je généralise pour appeler tous les musulmans et les musulmanes à cela, où qu'ils soient, en Europe, en Amérique, en Afrique ou en Asie, dans tous les continents, qu'ils sachent que la prière de cet homme est nulle tant qu'il est ainsi. Et sachez également que la prière de quiconque le prend comme imam est annulée, que ce soit les cinq prières obligatoires, ou la prière de Al-Jumu'ah, ou celle des deux fêtes religieuses, Salat al-Idain, c'est-à-dire Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Si jamais il est désigné comme imam, alors ne priez pas derrière lui, ô musulmans et musulmanes, tant qu'il est ainsi. وأقولها بصراحة، أقولها بصراحة داعيا علماء العلماء الأخيار والفضلاء من الدعاة إلى الله على بصيرة، أن يطلبوا من ولي أمر بلد يقيم فيه ذلكم الرجل أن يطلبوا منهم محاكمته، أن يرفعوا عليه قضية لدى المحاكم الشرعية ليقول فيه قضاة المسلمين قولهم ويصدروا فيه حكمهم ويستتيبوه. فوالله وبالله وتالله إن لم يتب الرجل عن هذا المسلك توبة النصوح، توبة النصوحة يقلع فيها عن هذا ويصلح حاله، يعود إلى التوحيد إن كان موحدا في الأصل، وما أظنه كان موحدا، وأن يبين للناس التوحيد ويبين أنه أفسد على الناس دينهم، فهو والله حلال الدم والمال. يجب على ولي أمره وإمامه إن لم يتب أن يقتله، وليس لأحد المسلمين، لا يسوغ لفرد من أفراد المسلمين أن يعمد إلى قتله، لا، هذا من الفوضى. وإنما ولي أمر المسلمين، إمام المسلمين الذين يقيم بينهم الجفر، وأنا لا أخص بلدا معينا، حيث يقيم، أن يطلب أو يعمد قضاة المسلمين لمحاكمته. Et je le dis franchement, tout en appelant les nobles savants et les du'as à Allah ayant la clairvoyance de demander au gouverneur du pays où réside cet homme, afin de le juger, de porter son affaire auprès des tribunaux légiférés, pour que les magistrats musulmans se prononcent sur son cas, qu'ils annoncent leur verdict à son sujet, et qu'ils lui demandent une dernière fois de se repentir. Et par Allah, le cheikh prononce les trois formules de jurement. Wallahi billahi tallahi. Et par Allah, s'il ne se repent pas de cette voie d'un repentir sincère, s'il n'arrête pas et corrige son statut, s'il ne retourne pas au tawhid, monothéisme, à supposer qu'il était sur le monothéisme auparavant, et je ne le suppose pas moi, s'il ne décline pas tawhid aux gens, et qu'il ne reconnaît pas avoir corrompu la religion de ces gens, alors il est par Allah licite de s'attaquer à son sang et argent. Son gouverneur et imam se trouve dans l'obligation de le tuer s'il ne déclare pas à Tawba le repentir. Il n'appartient pas aux particuliers parmi les musulmans de se mêler à son meurtre. Non, ceci serait de l'anarchie. Mais c'est une affaire de l'imam chez qui ce Jafri réside. Et je ne désigne pas en particulier un pays quelconque, mais là où qu'il réside, que l'on demande aux magistrats musulmans d'en juger. Fin de cette troisième citation. وما للظالمين